Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Donc le professeur et moi-même, nous vous souhaitons la plus belle des années musicales qu'il soit. Chaque année étant toujours moins bien que la prochaine, que celle qui suit. Donc 2026, ça va être du tonnerre, mais 2027, ça sera l'hystérie. Donc pour revenir à nos moutons, bienvenue dans la machine à son. Ça c'était pour la rime. Ce soir, on a décidé en fait de vous remettre la patate. Parce que là... Bon, vous avez bien profité là pendant tout le mois de décembre. Vous avez fait des orgies de bouffe et d'alcool et peut-être d'autres choses, mais au moins déjà sur de la bouffe et de l'alcool. Voilà, vous êtes un petit peu fatigué. Alors, il y en a qui ont inventé le Dry January, avec l'accent s'il vous plaît. Avec le professeur, on est un peu mitigé sur le truc américain, mais bon. Et nous, on était plutôt partis dans le Dance January. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux, quoi. Voilà, on élimine, on détoxifie tout ça par la danse. Donc ce soir, on va vous faire ça. On va vous faire un petit dynamisme physique par le son. Voilà, donc montez un petit peu le son. Mettez vos chaussures de danse ou vos chaussettes à crampons, histoire de ne pas tomber quand même. Ça serait vraiment dommage dès le début de l'année de se péter le col du fémur. Et même les jeunes peuvent se péter le col du fémur. Ne rigolez pas. Et voilà, et donc du coup on va vous faire un petit truc comme ça, histoire de voilà, vous échauffer un peu de l'intérieur. Donc là, une émission où il n'y aura pas de trucs bizarres, où vous n'allez pas avoir peur, vous n'allez pas vous dire qu'est-ce qu'il y a encore. Non, là on va rester dans du assez classique. Et voilà, parce que des fois c'est bien aussi de faire des choses un peu classiques. Donc voilà, le professeur et moi étions pour une fois totalement d'accord sur tout. Donc ça c'est quand même à marquer d'une pierre blanche. En général ça arrive en début d'année, puisqu'en fait ça fait partie de nos bonnes résolutions. On arrête de se prendre la tête et de s'engueuler. Et voilà, mais en général ça tient le temps d'une émission. Donc profitez-en. Cette émission va être calme, c'est pas tout à fait le mot, puisque le but c'est quand même de vous dynamiser, n'oubliez pas. Donc levez-vous de vos canapés, virez les couvertures et tout ça là, et soyez prêts et prêtes à faire un petit peu chauffer vos gambettes. Méthode audio dynamique. Première série d'exercices debout. Mouvement numéro 1. Debout, jambes jointes, bras levés au-dessus de la tête, flexion du corps en avant pour toucher la pointe des pieds en soufflant. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, Jumana, ire ala jugu may sade. Wenke di melen jeti. Kono jugu baka katunu. Jugu mayinde, Jumana le jugu mayinde. Lagi ne jugu jugu ya kan katunu je. Come on. Denadona, Mosoya Sina Denadona, Sani Kere Kete Bane Kodoto Deni Nonsi, Jenny Megeni Bo. ni bolo nya konoto ko be ni gbakuru kankan igbakuru sakoro basaba bi mo se kata mo de ke ni bolo nya konoto ko be ni basi kankan igbasi oi ye ye gaga nana ala to nya wono ba kono he ye gaga nana ala to nya wono ba kono ye ye gaga nana ala to nya wono ba kono ye ye gaga nana ala to nya wolo ba kono eh eh bulu ba nana ala to nya wolo ba yeye eh eh bulu ba nana ala to nya wolo ba kono eh eh bulu ba nana ala to nya wolo ba kono eh eh papa nana ala to nya wolo ba kono eh eh mama nana ala to nya wolo ba yeye. Thank you. but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're fucking up and a mosquito tweeter. You got a mouth like a head of a weaver. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing. Blowing minds is the thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito tweeter. You got a mouth like a head of a weaver. Put yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito tweeter. You got a mouth like a head of a weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier than a mosquito tweeter. You got a mouth. Just come on in and listen to the instructions at the blow of the whistle. Thank you. it to you. Don't tell me nothing's going wrong, no, the minute my back is turned. Thank you. Le dynamisme physique par le son. C'est la machine à son. Première série d'exercices au sol. Premier mouvement. Couché sur le dos. Bras bien tendus derrière la tête. Touchez la pointe des pieds en soufflant. non, mais on s'en fout, professeur, on s'en fout. Excusez-moi, je reprends l'antenne. Et oui, le professeur est pas content parce qu'il me dit, oui, c'est des exercices au sol et tu leur mets des trucs de sauvage. Mais franchement, on s'en fout, mais eux aussi, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Des mal coiffés, certains même sont si choqués qu'ils voudraient pouvoir nous raser. Mais on s'en fout, mais on s'en fout. Yeah, yeah, yeah, yeah. We'll be right back. Walking down Hayden Street, I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said I'd drop in there that night, and when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chula. Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie. because it's in him, and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie-woogin' just the same, yeah. I'm an all-night worker. Yeah, yeah, yeah. I'm an all-night worker. C'est avec le Chippy Chippy Ron que s'achève la machine à son, le dynamisme physique par le son. Ce soir, vous avez entendu donc Los Boxeros, Tipi Tipi Ron, Tuka avec Chango, fabuleux morceau, Rufus Thomas All Night Worker, un classique de la machine à son, mais c'est toujours bien. Four Tracks Voodoo Man, pas mal. Johnny Hooker Boogie Shillum, toujours excellent. The Animal Is My Life, toujours excellent. Bob Vaught and the Renegades, pour une fois du surf pas trop chiant, de l'anneau sous le beat. Les problèmes, on s'en fout. Ouais, on s'en fout un peu. Perennial, fabuleux groupe anglais, Perennial, Action Painting. Lambrini Girls, duo d'anglaise, fabuleux aussi. Cuntology 001. De nouveau Perennial Minimalisme. Voilà, je suis en avance là pour une fois. Stephen Mods avec une dénommée Sue Tompkins, No Touch. JD, Strange Funky Games and Things, un morceau de Barry White que j'aime pas trop d'habitude, mais là franchement le morceau est excellent. Eddie Bo, Stepper Step, I Can't Tina Turner, Funkier Than a Mosquito's Twitter. The Baron, parce que c'est les Français, Last Night. Dr. John, Right Place, Wrong Time. Et au tout début, l'excellent Oroya Bande Nationale avec Zoumana. 10 minutes de rumba mandingue. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment 10 minutes de musique extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a dynamisé et que vous avez compris que, bah, de toute façon, la machine à son, en réalité, on est tout le temps là pour vous dynamiser. Par le son, c'est quand même, on va dire, le mantra du professeur. Et oui, je dynamise par le son, je dynamise par le son. Et oui, il se répète ça très très souvent. Et oui, le professeur est un homme très particulier, mais que le monde entier nous envie. Il paraît même que les Américains voudraient l'enlever. Mais, à mon avis, ils ne le garderont pas longtemps. Allez, à la semaine prochaine. I'm